Le 12 novembre, des résidents coréens à l'étranger ont organisé des meetings simultanément et successivement dans presque 40 villes d'une dizaine de pays, dont les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Canada, l'Australie et le Japon, au même moment où le site coréen de tous les paliers tenait le troisième tour de la lutte pan-nationale pour la démission de Bakunin. Aux États-Unis, les Coréens, notamment les étudiants sud-coréens, ont déployé les manifestations dans des villes importantes comme Washington, New York et Philadelphie. Conduits par l'organisation appelée les ressortissants coréens aux États-Unis et au Canada exigent la retraite du régime de Bakunin, les compatriotes à Los Angeles ont manifesté devant le consulat général de Corée du Sud et à ses environs. Les membres de l'Alliance des Sud-Coréens du Japon pour la démocratie et la rééducation, de l'Union des jeunes Sud-Coréens au Japon, de l'Association démocratique des femmes sud-coréennes au Japon et du Conseil des étudiants sud-coréens au Japon ont fait des meetings et manifestations dans diverses régions du Japon comme Tokyo, Osaka et Kobe. Les résidents coréens, y compris les étudiants sud-coréens en Allemagne et en France, ont tenu respectivement un meeting sur des places à Berlin et à Paris pour réclamer la démission du pouvoir de Bakunin.